إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc on va parler inshallah du comportement des sahabiyat qui sont la première génération de l'islam et la meilleure. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme rapporté d'après Ibn Mas'ud dans les deux sahih, khayrun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, les meilleurs des gens sont ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Et comme a dit le poète, fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna at-tashabbuha bil kirami falahu, ressemblez-leur si vous n'êtes pas comme eux, car il y a une réussite dans le fait de ressembler aux nobles. Donc la personne, toujours, il prend en modèle ceux qui sont meilleurs que lui. Et il ne regarde pas au niveau des œuvres ceux qui sont en dessous de lui. Car sinon, peut venir l'orgueil et la fierté de ses actes envers ses actes. Et ça, c'est mauvais. Le musulman, il regarde toujours au-dessus de lui. Et donc, cette meilleure génération, que sont les sahaba et leurs épouses, leurs filles, leurs sœurs, qui sont les sahabiyat, qui ont cru en prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque et qui sont morts sur la foi. Donc, on va citer certains points sur lesquels ces sahabiyat avaient été un modèle dans le comportement et dans lequel les femmes les prennent en modèle. Premièrement, le fait de réconforter le mari, le rassurer et l'affermir. Comme ce qui s'est passé au début de la révélation, comme le rapporte Al-Bukhari au début de son sahih, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a reçu les 5 premiers versets de la sourate Al-Araq, donc que Jibril lui a récité les 5 premiers versets, et qu'il est rentré lorsqu'il était dans la grotte de Hira, et il est rentré chez sa femme Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha. Il est venu terrifié, il dit Zammilouni, Zammilouni, enveloppez-moi, enveloppez-moi. Ce qu'ils firent jusqu'à ce que la peur le quitte. Il informa ensuite Khadija de ce qui s'était passé. Et il dit, et ça, dans ça, il y a le fait que l'homme, il parle à sa femme. Et c'est une confidente pour lui. Et c'est un pilier pour lui. Et il lui fait part de ses peurs et des choses qui lui arrivent. Et c'est parmi les personnes les plus proches de lui. Et il dit, « Laqad khashitu ala nafsi. » J'ai eu peur pour moi-même. Et à ce moment-là, elle le réconforta. Et ça, c'était un moment très important de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car il est devenu prophète à ce moment-là. Et elle lui dit, qu'Allah, wallah, ma yukhzik Allahu abadan, innaka la tasilu rahim, wa tahmilu al-kal, wa taksibu al-ma'doum, wa taqri al-dayf, wa tu'inu ala nawa'i bil-khayr, ala nawa'i bil-haq. Elle dit, mais non, par Allah. Allah ne t'avilira jamais. Tu gardes les liens de parenté. Tu assistes le faible. Tu donnes aux pauvres. Tu offres l'hospitalité à l'invité et tu aides dans le bien. Donc, elle cita les bonnes caractéristiques du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, même avant qu'il soit prophète. Il était connu comme Al-Amin, le digne de confiance, par tous les gens de Quraysh. Et elle l'a assuré que celui qui possède ces caractéristiques, il ne sera pas avili par Allah. Car Allah Azzawajal ordonne tout bien et interdit tout mal. Comme Allah Azzawajal dit, « Inna Allah ya'muru bil'adli wal-ihsan, wa ita'i dil-qurba, wa yanha anil farshay wal-munkari wal-baghi, ya'idukum la'allakum tadhakkarun. » Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Donc elle a été un soutien important pour lui dans ce moment, à ce moment-là. Et Allah Azzawajal, il a envoyé Jibril pour lui faire la bonne annonce d'une maison en perles au paradis. À Khadija, radiallahu anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur elle, خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة. Les meilleures de ces femmes est Maryam bint Imran. Et la meilleure de ces femmes est Khadija. Muttafaqun alayh d'après Ali. Ils ont dit les meilleures de ces femmes, c'est-à-dire de la communauté de son époque. C'était Maryam. Et la communauté à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Khadija. Et ils ont dit les meilleures des femmes du Jannah. Deuxièmement, le courage et la force de ces femmes. Muslim rapporte d'après Anas, comme Sulaym prit avec elle un poignard le jour de Hunayn. Et Hunayn, ça a eu lieu en l'an 8 de la Hijra, juste après Fath Mekka, après l'ouverture de Mekka, en Ramadan de l'an 8. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit à Shawwal, juste après, vers Hunayn, avec les gens qui étaient rentrés dans l'islam parmi les gens de Mekka. Donc elle prit un poignard avec elle, Abu Talha la vit et dit au messager d'Allah, Sulaym a un poignard avec elle. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors à Sulaym, Ma hadha al-khinjar? Quel est ce poignard? Elle répondit, je l'ai pris au cas où s'approcherait de moi un associateur. Je lui enfoncerai dans le ventre. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se mit à sourire. Elle dit, au messager d'Allah, tue les tulaqa qui se sont enfuis. Les tulaqa, ce sont les gens qui sont rentrés dans l'islam lors de l'ouverture de Mecca. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, Ya Umma Sulaym, inna Allah qad kafa wa ahsan. Ô Umma Sulaym, Allah a certes suffi et il a bien fait. Et elle a dit cela, car elle pensait que ceux-là qui étaient rentrés dans l'islam juste avant, et qui s'étaient enfuis lors de cette bataille, ils méritaient d'être tués, et que c'était des hypocrites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas suivi en cela, et c'est juste une épreuve de la part d'Allah Azzawajal, et ils se sont enfuis, mais ils étaient bien sur l'islam. Donc on voit avec ça que cette sahabiya, radiallahu anha, méritante, est partie et était au combat, car les femmes, à cette époque-là, elles étaient au combat derrière les hommes, et elles s'occupaient des blessés. Et elle avait pris donc un poignard en disant, si un il s'approche de moi, je lui enfoncerai dans le ventre. Et ça, ça montre un grand courage. Également, leur pudeur ne les empêche pas d'interroger dans la religion. Comme Muslim rapporte que Asma bin Chakal interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le lavage de celle qui a eu ses menstrues. Il dit, Takhudu ihda kunna ma'aha wa sidrataha fatataharu fatuhsinu at-tuhur. ثم تصب على رأسها فتدركه دركا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتتهر بها. Elle prend de l'eau et du jujubier et se purifie d'une bonne façon. Puis elle verse sur sa tête et frotte énergiquement jusqu'à ce que ça atteigne le cuir chevelu. Puis elle verse l'eau sur elle. Puis elle prend un morceau de coton imbibé de misc et se purifie avec. Le misc. En français, ils disent musc avec un U, alors que le mot arabe, c'est avec une kasra, misc. Elle dit, comment se purifie-t-elle avec ce coton? Il s'exclama, Subhanallah, tatahharina biha. Il dit, gloire à Allah, pureté à Allah, purifie-toi avec. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était plus pudique qu'une vierge. Il était très pudique. Donc lorsqu'elle demanda, comment elle demanda plus d'explications, il n'a pas donné plus d'explications. Et Aïcha lui chuchota alors, tu suis les traces de sang. Et elle l'interrogea sur le lavage pour la janaba et elle dit, Takhudu ma'an fatataharu fatuhsinu at-tuhur aw tubliru at-tuhur thumma tasubbu ala rasiha fatudrukuhu hatta tablugha shu'un rasiha thumma tufidu 'alayha al-ma'. Elle prend de l'eau et se purifie d'une bonne façon, puis elle verse sur sa tête et frotte jusqu'à ce que ça atteigne le cuir chevelu, puis elle verse de l'eau sur elle. Aïcha dit, نعم النساء ونساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. Yani, que sont bonnes les femmes des Ansar? Qu'est-ce que ce sont de bonnes femmes? leur pudeur ne les a pas empêchés d'apprendre dans la religion et d'interroger dans la religion. Car la pudeur, elle a dit, leur pudeur ne les a pas empêchés d'interroger dans la religion, car la pudeur, elle est que, elle vient qu'avec du bien, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Elle est que du bien, elle est entièrement du bien. Al-hayaou khayrun kullu. Et c'est une erreur, ce que disent certaines personnes, lorsque par exemple, ils disent mange, mange avec nous, et ils disent la testahi. Yani, n'aie pas de pudeur et mange. Mais plutôt, aie de la pudeur et mange. Car la pudeur, c'est du bien. Entièrement. Donc la personne, il doit toujours avoir de la pudeur. Et parmi également les demandes de fatwa des femmes, comme celle-ci qui a demandé la question de Hind, la femme d'Abu Soufiane au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant « Abu Soufiane est un homme avare. Y a-t-il un problème à ce que je prenne secrètement de son argent ?» Il répondit « Khudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Prends ce qui te suffit à toi et tes enfants convenablement. » Donc elle a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son mari et rien ne l'a empêché d'interroger. Car ça c'est le din. Donc la femme elle interroge. Elle interroge même sur ce qui se passe dans sa maison, dans son foyer ou des choses qui la concernent elle, sa ibada ou des choses générales qui la touchent. Et Allah Azza wa Jalla dit Fasalu ala dhikr in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Également, on cite leur envie d'étudier, leur forte envie d'étudier. Al-Bukhari rapporte d'après Abu Sa'id, radiallahu an, que les femmes dirent au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les hommes ont accaparé ton temps, donne-nous un jour. Il leur promit un jour et les sermonna durant ce jour et leur ordonna des choses. Et parmi ce qu'il leur dit, ayyum amra'atin mata laha thalathatun min al-walad, kanu hijaban min al-nar. Toute femme dont meurent trois, yani de ses enfants, ils seront un voile de l'enfer pour elle. Et une femme dit, et deux, et il dit, et deux. C'est-à-dire, même deux, ce sera un voile pour elle, contre l'enfer. Donc les femmes désiraient apprendre, et elles ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, pour cela. Également la patience lors des épreuves. Comme dans Sahih Muslim, que Umm Salama radiallahu anha dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. Il n'y a pas un serviteur qui est touché par une épreuve et qui dit nous إنا لله وإنا إليه راجعون, nous sommes Allah et vers lui nous retournons. Ô Allah, récompense-moi dans mon épreuve et fais-moi succéder meilleur qu'elle, sans que Allah, Azza wa Jal, lui donne sa récompense dans son épreuve et lui fasse succéder meilleur qu'elle. Elle dit, lorsqu'Abu Salama mourut, radiallahu an, je dis comme le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'avait ordonné, et Allah me fit succéder meilleur que lui, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'épousa. Et dans une version du hadith, elle dit, et qui est meilleur que Abu Salama? Et après, elle dit la dua, et elle vit que Allah Azza wa Jal lui fit épouser le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était meilleur qu'Abu Salama. Également leur application immédiate des ordres d'Allah lorsqu'ils étaient révélés. Al-Bukhari rapporte de façon mu'allaq, d'après Aïcha radiallahu anha, qu'elle a dit qu'Allah fasse miséricorde aux premières femmes muhajirat, c'est-à-dire émigrées. Lorsqu'Allah fit descendre, وَلِيَدْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Aïcha dit, elles déchirèrent leur pagne et se couvrèrent avec. Et Abdel Razak rapporte dans son tafsir avec une chaîne bonne, d'après Salama, radiallahu anha, qu'elle a dit, lorsque descendit ce verset, yudnina alayhinna min jalabi bihin, qu'elles ramènent sur elles leur grand voile, leur djilbab, jalabib, le pluriel de djilbab. Salama dit, les femmes des Ansar sortirent dans le calme comme si elles avaient des corbeaux sur la tête, elles portaient des habits noirs. Et on cite quelque chose d'important, c'est que la croyante muslima est reconnue par ce djilbab et par le fait de se couvrir, comme Allah Azza wa Jalla a ordonné dans ces deux ayats. Chose que ne faisait pas, c'est qui ne faisait pas ça lorsque sont descendus ces versets? C'étaient les esclaves. les femmes esclaves ou les femmes de Ahlul Dhimma. Ahlul Dhimma sont les juifs et les chrétiens qui vivent sous protection des musulmans. Et il a rapporté que Soufiane al-Thawri, rahimahullah, a dit « Il n'y a pas de mal à regarder les parures des femmes de Ahlul Dhimma. Ceci n'est interdit que parce qu'on a peur de la fitna, non pas à cause de leur sacreté. » C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de sacreté, pas de hurma. Les femmes de Ahlul Dhimma, comme la muslima, elle a une hurma. Et elle est respectée dans la sharia, plus la femme libre, muslima, que les femmes de Ahlul Dhimma et les esclaves. Et il prit comme argument la parole d'Allah, wa nisa il mu'minin. C'est-à-dire dans la ayah, Allah Azzawajal dit, Ya Yuhan Nabi, qu'il li azwajika wa banatika wa nisa il mu'minin, yudnina alayhinna min jalabi bihin. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Donc il a cité les femmes des croyants. Et Ibn Kathir dit au sujet de la parole d'Allah dans la suite de ce verset, ذَلِكَ أَدْنَا أَنْ يُعْرَفْنَا فَلَا يُعْدَيْنَ. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Il dit, c'est-à-dire, lorsqu'elles font cela, on reconnaît qu'elles sont des femmes libres, pas des esclaves ni des prostituées. Subhanallah. Donc, on comprend de là que celles qui ne portent pas ce djilbab, qui ne s'habillent pas selon ce que la sharia, selon ce qu'Allah Azzawajal lui a ordonné, elle est comme une esclave ou une prostituée. Elle n'est pas reconnue comme une croyante, comme une muslima libre. Wal'iyadu billah. Également, on cite l'ascétisme et leur patience dans cette vie d'ici-bas. Dans les deux sahihs d'après Aïcha, qu'elle dit à Urwa, qui est son neveu. Mon neveu, nous voyons passer un hilal, deux ou trois, sans qu'un feu ne soit allumé dans les maisons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le hilal, c'est la lune, al-qamar, les trois premiers jours du mois. C'est-à-dire au début du mois, on appelle hilal, et après on appelle qamar, la lune. Donc trois mois passaient, deux ou trois mois, sans qu'un feu ne soit allumé dans aucune maison du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur de la création, subhanallah. Je dis, ma tante, et que mangez-vous? Elle dit, les deux noirs, les dattes et l'eau. Sauf que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait des voisins parmi les Ansar qui avaient des chamelles, et ils donnaient de leur lait au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous en abreuvait. Donc là, on voit la situation dans laquelle le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était, comme ascétisme et délaissement de cette vie d'ici-bas. Et si cette vie d'ici-bas, elle avait une quelconque valeur pour Allah, azzawajal, il en aurait donné à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est la personne la meilleure de la création qu'il a créée. Et malgré ça, il mangeait des dattes et de l'eau. Et si quelqu'un fait ça quelques jours seulement, il comprendra, yani, en quoi c'est dur. Et comment à notre époque, wal'iyadu billah, les gens, ils seraient considérés à leur époque comme des princes, comme des princes et des rois. Chez même des salafis, sans parler des awam ou autres. Le salafi serait considéré comme un prince. Et il s'étonnerait de tout ce qu'il mange. Et il s'étonnerait de tout ce qu'il y a sur sa table comme sorte de nourriture et de boisson. Surtout en ce qui concerne l'Occident. Où tout est là. Toutes les sortes de fruits, de nourriture et de boisson. Et également, on peut citer la sérénité dans les épreuves et le bon comportement envers le mari. Dans les deux sahihs d'après Anas qui a dit, Abu Talha avait un fils malade qui mourut. Lorsqu'Abu Talha revint, il demanda. Donc il était marié, Abu Talha, à Sulaym, la mère de Anas. Comment va mon fils? Sulaym répondit, il est on ne peut plus calme. Elle lui servit le dîner, il mangea, puis il eut un rapport avec elle. Lorsqu'elle termina, elle dit, enterrez l'enfant. Lorsque ce fut le matin, Abu Talha informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « A'arastumul layla ?» Avez-vous eu un rapport cette nuit? Il répondit oui. Il dit « Allahumma barik lahuma »« Ô Allah, bénis-leur !» Elle eut un garçon de ce rapport. Abu Talha dit à Anas « Emmène-le au prophète sallallahu alayhi wa sallam » Umm Sulaym envoya avec lui des dattes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prit et demanda « Ama'a ou shay ?» Est-ce qu'il a quelque chose avec lui? Ils répondirent oui, des dattes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les prit et les mâcha, puis prit un morceau de sa bouche et le mit dans la bouche du bébé et frotta et le nomma Abdullah. Donc ce hadith, ça montre comment cette sahabiya Umm Sulaym radiallahu anha al-Ansariya a eu un bon comportement envers le mari et s'est occupée de lui, l'a servi et ne lui a pas annoncé tout de suite radiallahu anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas blâmé en cela. Et également on sait que la perte de l'enfant pour la mère, c'est encore plus dur que pour le père. C'est pour ça que, comme on a vu dans le hadith d'avant, que deux enfants qui meurent, c'est une protection contre l'enfer pour la mère. Et ça, c'est une bonne annonce. Et c'est une miséricorde d'Allah, azawajal, dans cette épreuve qui touche la femme. Et malgré ça, elle a patienté. Et dans une version du hadith, elle dit, « Oh Abu Talha, vois-tu si des gens prêtaient une chose aux gens d'une demeure puis la réclamaient, auraient-ils le droit de leur refuser ?» Il répondit, « Non. » Elle reprit, « Alors cherche la récompense pour ton fils. » Il se mit en colère et dit, « Tu m'as laissé jusqu'à ce que je sois souillé pour m'informer ensuite de mon fils » C'est-à-dire jusqu'à ce que j'ai un rapport. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, a dit, « Ce hadith contient des mérites pour Umm Sulaym, radiyallahu anha, comme son immense patience et son bon agrément du décret d'Allah et sa haute intelligence dans le fait de cacher sa mort à son père au début de la nuit afin qu'il passe la nuit relaxé sans chagrin. » Et le fait de lui servir le dîner et de s'offrir à lui pour qu'il ait un rapport, ce qu'il fit. Et elle a patienté, radiallahu anha, et elle a bien agi. Également le mérite des femmes de Quraysh. Dans les deux sahad après Abu Huraira, qui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, « Nisa'u Quraysh, khayru nisa'i, rakibna al-ibil, ahnahu ala tif, wa ar'ahu ala zawj, fi dhati yadi. » Les femmes de Quraysh sont les meilleures femmes. Elles montent le chameau, sont les plus douces envers l'enfant. Et ce qui est voulu ici, c'est la femme qui élève des enfants dont le père est mort, des orphelins. Et les plus bienveillantes envers le mari en ce qui concerne ses biens. Donc, ces caractéristiques ont fait que ce sont les meilleures des femmes. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de monter le chameau et la douceur envers l'enfant et la bienveillance envers le mari et ses biens. Également le fait de reconnaître ses erreurs. Dans les deux sahihs d'après Anas, radiallahu an, qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa près d'une femme qui pleurait près d'une tombe. Il lui dit, ittaqillah wasbiri. Crains Allah et patiente. Elle dit, écarte-toi de moi, car tu n'as pas été touché par ce qui m'a touché. Et elle ne le reconnut pas. Quelqu'un lui dit, c'était le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Elle alla à sa porte et ne trouva pas de portier. Elle dit, je ne t'avais pas reconnu. Il répondit, innama sabru inda sadmatil ula. La patience n'est que lors du premier choc. Donc cette femme, lorsqu'elle a su son erreur, la façon dont elle a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans le reconnaître, elle est allée le voir et s'excuser. Et également le fait qu'elle ne trouva pas de portier. C'est-à-dire que personne ne gardait la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme sont gardées les portes des rois. Et At-Tabarani rapporte dans Al-Mu'jam al-Kabir d'après Aïcha qu'elle a dit, une femme rentra chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et on lui apporta à manger. Il se mit à manger et à en mettre devant elle. Je dis, ô messager d'Allah, fais attention à tes mains. Il dit, inna hadhi kanat ta'tina ayyama khadija. Celle-ci venait nous visiter à l'époque de Khadija. Le bon serment, ou préserver le pacte, fait partie de la foi. C'est-à-dire de faire ce qu'il faisait à cette époque. Aïcha dit, lorsqu'il cita Khadija, la jalousie me prit comme elle prend les femmes. Et je dis, ô messager d'Allah, Allah t'a remplacé une âgée par une jeune. Il se mit alors en colère et dit, ما ذنبي أن رزقها الله مني الولد ولم يرزقك؟ Quel est mon péché si Allah lui a donné de moi des enfants et qu'il n'en a pas donné à toi? Aïcha dit, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne la citerai après cela qu'en bien. Subhanallah. Donc Aïcha est revenue de ce qui a causé cette colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De parler ce qui peut rabaisser Khadija en disant il t'a remplacé une âgée par une jeune et s'élever elle. Et ça, c'est parmi ce qui prouve que Khadija est meilleure. Et la meilleure des femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Avec le fait, également, qu'elle a, elle a cru en premier, et qu'elle l'a soutenu dans les moments où il était seul, et qu'elle l'a soutenu avec son argent, et qu'elle l'a soutenu en l'appuyant psychologiquement. Et donc, c'est la meilleure de ces femmes. Également, pousser ses enfants au bien et à accompagner les pieux. Comme Muslim rapporte d'après Anas qui a dit « Ma mère Umm Sulaym vint avec moi au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en m'enveloppant dans son khimar. Elle dit au messager d'Allah, voilà Unais. Unais, c'est le diminutif de Anas. Unais. Comme Omar, Umayr, Abdullah, Ubaydullah. Voilà Unais, mon fils. Je suis venu avec lui pour qu'il te serve. Invoque Allah pour lui. Il dit Allahumma akthir malahu wa walada. Oh Allah, multiplie ses biens et ses enfants. Et à cette époque, Anas ibn Malik, c'était un enfant. Et il a fait cette dua, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Anas dit, par Allah, mes biens sont nombreux et mes enfants et mes petits-enfants sont près de 100 aujourd'hui. Sont près de 100. Lorsqu'il a rapporté ce hadith. Et Al-Bukhari rapporte d'après lui, qu'il enterra avant la venue d'Al-Hajjaj ibn Yusuf, en Irak. Al-Hajjaj, l'injuste. Il enterra avant qu'il vienne 120 de ses enfants. Subhanallah. Donc là, la baraka, la bénédiction de la dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la force de cette dua. 120 de ses enfants. Et il se peut que les 120, ce soit ses enfants et ses petits-enfants. Car le petit-fils, c'est un fils. Et donc on voit que Umm Sulaym, elle a amené Anas, son fils, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est le fait d'amener ses enfants bien et de les pousser à accompagner les pieux et de les écarter des gens mauvais. Car l'enfant, lorsqu'il grandit, il s'attache à ceux avec qui il grandit et au comportement avec qui qu'il a eu l'habitude lorsqu'il était petit. Donc c'est une période très importante. Également, le respect de la femme envers le mari. Dans les deux sahihs d'après Aïcha radiallahu anha, qui a dit, nous voyageâmes avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à atteindre Al-Bayda, ou Dhat al-Jaysh. Ce sont des noms d'endroits. Mon collier se coupa. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se mit à le chercher, et les gens avec lui, et il n'y avait pas d'eau. Les gens allèrent voir Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, et lui dire, as-tu vu ce qu'a fait Aïcha? Elle a fait rester le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les gens alors qu'il n'y a pas d'eau. Abu Bakr vint alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dormait, la tête posée sur ma cuisse. Il dit, tu as retenu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les gens alors qu'il n'y a pas d'eau? Et il me fit des reproches et dit ce qu'Allah voulut qu'il dise. Et il tapait mon flanc et ne m'empêchait de bouger que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur ma cuisse. Donc, parmi les fawaïd de ce hadith, qui est également la cause de la descente du verset du tayammum, car après Allah Azza wa Jalla descendit le verset permettant de faire le tayammum lorsqu'il n'y a pas d'eau. Parmi les fawaïd de ce hadith, donc la douceur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'attention portée à ses femmes, car il s'est mis à chercher son collier. Également le fait que l'homme dorme la tête posée sur la cuisse de sa femme. Et ceci démontre la douceur et l'attention de la femme envers son mari. Également le fait que le père réprimande sa fille lorsqu'elle le mérite, même si elle est mariée. Car il y a des gens qui s'arrêtent de réprimander leur fille si elle est mariée. Alors que si elle fait du tort, même si elle fait du tort à son mari, il faut la réprimander. Également le fait de respecter autant que possible le sommeil du mari. Également parmi les comportements louables des sahabiyat, l'adoration assidue de la femme. Al-Bukhari rapporte d'après Anas radiallahu anhu, qui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra et trouva une corde tendue entre deux poteaux. Il demanda « Mahad al-Habl » Quelle est cette corde? Ils répondirent « C'est la corde de Zainab. Lorsqu'elle fatigue, elle s'y accroche. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors « La hulluhu » لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاتَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدُ Non, détachez-la. Priez tant que vous avez la force et lorsque vous fatiguez, asseyez-vous. Selon un sens du hadith, que faliyaqud, asseyez-vous, c'est-à-dire continuez la salah assis, ou selon un autre sens, arrêtez, c'est-à-dire arrêtez la salah et dormez. Donc, les sahabiyat étaient assidus dans l'adoration, dans la salah et les aumônes, comme ça va venir, et toutes les portes du bien. Et comme Allah Azzawajal dit, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Et Allah Azzawajal dit, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, et en cela, que se concurrencent ceux qui se concurrencent. Et Allah Azzawajal dit, سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Pressez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un paradis dont la largeur est comme la largeur du ciel et de la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et ses messagers. Ceci est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah détient la grâce immense. Et dans Sahih al-Bukhari, d'après Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah dit, من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرف وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبتش بها ورجله الذي يمشي بها وإن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لا أعيدنه. Qu'Allah Azza wa Jalla dit donc dans ce hadith Qudsi, celui qui prend en ennemi un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Et mon serviteur ne s'est pas rapproché de moi par une chose que j'aime plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. C'est-à-dire les actes obligatoires, comme les salawat et autres, ce sont les actes les plus aimés d'Allah Azza wa Jalla. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires, les nawafil, jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis son ouïe par laquelle il entend, et sa vue par laquelle il voit, et sa main par laquelle il prend, et son pied par lequel il marche. Et s'il me demande, je lui donne, et s'il me demande refuge, je lui accorde. Donc Zainab, radiallahu anha, était assidue dans la salat de la nuit, au point où elle a mis une corde pour, lorsqu'elle fatigue, rester debout et continuer la salat. Et ça montre un énorme effort dans la ibad. Également, les aumônes, les sadaqat. Muslim rapporte que Aïcha radiallahu anha a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Asra'u kunna lahaqan bi atwalu kunna yadan. Celle d'entre vous qui me rejoindra le plus rapidement est celle qui a la main la plus longue. Aïcha a dit, nous mesurions qui d'entre nous avait la main la plus longue, c'est-à-dire parmi ses épouses. Et celle qui avait la main la plus longue était Zainab, car elle donnait beaucoup d'aumônes. C'est-à-dire que quand Zainab est morte, radiallahu anha, notre mère Zainab, elles ont compris que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire, c'était les aumônes. C'est-à-dire la main la plus longue qui donne beaucoup d'aumônes. Et c'était pas le fait de mesurer les mains. Et dans les deux sahihs d'après Abu Sa'id radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit vers le musalla lors du Eid et passa près des femmes. Il dit, Ya ma'ashara nisa, tasaddaqna wa akthirna l'istighfar, fa inni ra'aytukunna akthara ahlin nar. Ô les femmes, faites des aumônes et faites beaucoup de demandes de pardon, car je vous ai vu la majorité des gens de l'enfer. Elle dit, et par quoi, au messager d'Allah? Il dit, vous multipliez les malédictions et vous êtes ingrate envers le mari. Donc il les a appelés pour pallier à ses manquements et à ses fautes et à ses péchés de faire beaucoup d'aumônes, de faire des aumônes et de multiplier la demande de pardon. Et en citant ces deux fautes qui sont propagées chez les femmes, qui sont le fait de multiplier les malédictions et parfois dans la langue arabe, ce qui est voulu par la malédiction, c'est également les insultes. et également le fait d'être ingrate envers le mari. Comme il est venu dans un autre hadith, que le mari est bon envers sa femme, et que lorsque elle voit, lorsqu'elle s'énerve, elle dit « J'ai jamais vu de toi le moindre bien ». Elle oublie tout le bien qu'il a fait. Également leur fort désir d'obtenir le paradis en patientant dans les épreuves de l'ici-bas. Dans les deux sahihs que Atta ibn Abi Rabah a dit, Ibn Abbas me dit, veux-tu que je te montre une femme des gens du paradis? Je dis oui. Il dit, cette femme noire, elle vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit, je fais des crises d'épilepsie et je me découvre. Invoque Allah pour moi. Il dit, in shi'ti sabarti wa lakil jannah, wa in shi'ti da'awtu Allah an yu'afiyak. Si tu veux, tu patientes et tu auras le paradis. Et si tu veux, j'invoque Allah qu'il te guérisse. Elle dit, je patienterai. Mais je me découvre, alors invoque Allah pour que je ne me découvre pas, et il invoqua pour elle. Donc cette femme, radiyallahu anha, elle a patienté dans sa maladie, dans cette épreuve qui la touche, et a préféré obtenir le paradis en échange de cette patience. Car ce qui touche le musulman, ça lui fait tomber ses péchés. Jusqu'à ce qu'il rencontre Allah azawajal sans aucun péché. Également, le fait d'appeler à l'islam et au bien et de faire passer la da'wa avant ce que l'âme désire. An-Nasa'i rapporte avec une chaîne bonne, d'après Anas qui a dit, Abu Talha épousa Ummu Sulaym et sa dot fut l'islam d'Abu Talha. Ummu Sulaym accepta l'islam avant Abu Talha. Ce dernier la demanda en mariage et elle dit, je me suis converti à l'islam. Si tu te convertis, je t'épouserai. Il se convertit donc. Et Abu Daoud At-Tayal ici rapporte par une chaîne authentique que lorsque Malik, le père d'Anas, mourut au Cham, Abu Talha demanda à Ummu Sulaym en mariage. Elle lui dit, « Oh Abu Talha, une personne telle que toi ne se refuse pas, mais tu es mécréant, et je suis une femme muslima. Il ne convient pas que je t'épouse. » Il dit, « Je sais ce que tu veux. » Elle dit, « Et qu'est-ce que je veux ?» Il répondit, « L'or et l'argent. » Elle dit, « Eh bien, je ne veux pas l'or et l'argent. Je veux de toi l'islam. » Il dit, et auprès de qui pour cela? Elle répondit auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talha partit voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était assis au milieu de ses compagnons. Et lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vit Abu Talha, il dit, « Ja'akum Abu Talha, ghurratu l'islam bayna aynay. » Abu Talha vous est venu, la blancheur de l'islam est entre ses deux yeux. Et il informa le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de ce qu'avait dit Ummu Sulaym, et il l'épousa pour cela. Thabit a dit, Thabit qui rapporte de Anas ibn Malik, a dit, il ne m'est pas parvenu de dot plus immense que ça. Elle agréa l'islam comme dot et il l'épousa. Subhanallah. Donc elle a laissé la dot et Abu Talha, c'était le plus riche des Ansar. Elle délaissa ce qu'il pouvait donner en lui proposant l'islam pour l'épouser. Et la muslima, elle n'épouse que le muslim. Elle n'épouse pas ni le mécréant, ni le juif, ni le chrétien. Et donc, ce fut la cause de la guidée d'Abu Talha. Et c'est parmi les plus grands sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la femme, lorsqu'elle appelle au bien, et qu'elle a une cause de guidée, c'est un khayr pour elle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un Ali, لَأَنْ يَهْدِيَكَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. Car Allah guide par toi un seul homme est meilleur que d'avoir des chameaux roux. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Et dans ce hadith, également le fait de ne pas se tourner vers les biens de ce bas monde dans la da'wa. Et que cela a un énorme impact sur celui qui est appelé. C'est-à-dire quand il voit que la personne délaisse cette dunya. Que ce soit un mécréant appelé à l'islam ou un musulman appelé à la sunnah. C'est-à-dire, dans les deux cas, ça a un impact. Les musulmans, lorsqu'ils voient Ahlus Sunnah, qui appellent à Allah Azzawajal pour le visage d'Allah Azzawajal, et qui ne demandent rien, au contraire des Hizbi, ça a un impact sur eux. Et lorsque la demande commence, alors, ils ont des doutes sur ce prêcheur. Et également, le mécréant, lorsqu'il voit que le musulman ne lui demande rien, ça a un impact. Et il est rapporté dans Sahih Muslim d'après Anas qui a dit, personne n'a jamais rien demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour l'islam sans qu'il ne donne. Un homme vint et il lui donna des moutons qui remplissaient l'espace entre deux montagnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné énormément de moutons. Cet homme revint à son peuple et dit, ô mon peuple, rentrez dans l'islam, car Mohammed donne comme celui qui ne craint pas la pauvreté. Donc ça a été une cause que cet homme accepte l'islam et il appelle son peuple à accepter l'islam. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le chef d'une tribu rentrait dans l'islam, il appelait tout son peuple à rentrer dans l'islam. Et il rentrait. Et c'est pour ça que, parmi dans quoi on donne la zakat, il y a ceux dont les cœurs sont à prendre, même s'ils sont mécréants. Et ce sont les seuls mécréants qui rentrent dans ce qu'on donne de la zakat. Également, ce qu'on peut citer, la piété, que la piété préserve du mal et des mauvaises paroles. Comme dans la fitna du mensonge sur Aïcha. Radiallahu anha, comme rapporté dans les deux sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interrogea son épouse Zainab bin Jahsh sur Aïcha. Elle répondit, ô messager d'Allah, je préserve mon ouïe et ma vue. Par Allah, je ne connais que du bien. C'est-à-dire, je ne connais que du bien de Aïcha. Aïcha dit, c'était celle qui me concurrençait parmi les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah la préserva par la piété. Donc, que c'était les plus préservés de tomber dans les mauvaises choses par la grande piété qui les caractérisait. Radiallahu anhum. Également, le bon conseil au mari, que la femme muslima pieuse conseille son mari. Et ne se tait pas. Si elle voit un munkar, un acte blâmable, et elle le conseille. Et il ne lui est pas permis de se taire. Même si c'est son mari ou son père. Il ne lui est pas permis de se taire. Avec comportement, elle doit conseiller. Al-Bukhari rapporte d'après Al-Miswar ibn Mahrama, dans le long hadith sur le pacte d'Al-Hudaybiyah, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons qui étaient en état d'ihram, Qumu fanharu thumma hlifu, thumma hlifu. Levez-vous et égorgez, sacrifiez, puis coupez-vous les cheveux. Al-Miswar a dit, par Allah, aucun d'entre eux ne se leva. Il répéta ceci trois fois. Lorsqu'il vit qu'aucun d'entre eux ne se levait, il entra chez Umm Salama et lui raconta ce qui se passait. Elle lui dit, ô prophète d'Allah, aimes-tu cela? Sors et ne parle à personne jusqu'à ce que tu sacrifies et que tu appelles quelqu'un qui te rase. Il sortit et fit cela. Lorsqu'ils le virent, ils se levèrent et sacrifièrent et se rasèrent les uns les autres au point où ils faillirent s'entretuer. Donc on voit que Umm Salama, radiallahu anha, conseilla le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il suivit son conseil. Et elle ne le laissa pas dans cette situation. Et également le fait que celui qui est moins méritant peut conseiller celui qui est plus méritant. Et il n'y a aucun blâme et reproche en cela. Et ce n'est pas vrai, ce que certains croient, que celui qui est moins méritant, il doit se taire devant celui qui est plus méritant. Et ça, c'est la preuve. Umm Salama, elle est moins méritante que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans aucun doute. Et elle l'a conseillé. Et il a accepté son conseil. Et également qu'Allah Azzawajal a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander shura, yani de demander conseil à ses compagnons. Et également dans les deux sahih, d'après Abu Moussa, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innal mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da. Le croyant est pour le croyant comme l'édifice, ses parties se consolident les unes les autres et il entrelace à ses doigts. On cite également leur repentir et leur volonté de se rapprocher d'Allah Azzawajal. Comme Muslim rapporte d'après Buraïda, radiallahu anhu, qu'après que Ma'iz ibn Malik al-Aslami fut lapidé pour avoir forniqué, une femme de Ramid vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, ô messager d'Allah, j'ai forniqué, alors purifie-moi. C'est-à-dire, en appliquant la sanction. Il la renvoya. Le lendemain, elle dit, ô messager d'Allah, pourquoi m'as-tu renvoyé? Tu veux me renvoyer comme tu as renvoyé Ma'iz? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait renvoyé plusieurs fois Ma'iz jusqu'à ce qu'il le lapide. Elle dit, par Allah, je suis enceinte. Il dit, imma la fadhabi hatta atalidi. Alors non, pars jusqu'à ce que tu accouches. Lorsqu'elle accoucha, elle vint avec le bébé dans une serviette et dit, voilà, j'ai accouché. Il dit, idhabi fa'ardi'i hatta taftimi. Pars et allaite-le jusqu'à ce qu'il soit sevré. Elle va ensuite avec le bébé qui tenait dans sa main un morceau de pain, c'est-à-dire qu'il mangeait. Elle dit, ô prophète d'Allah, je l'ai sevré et il mange maintenant. Il donna le bébé à un homme parmi les musulmans, puis ordonna de creuser et de l'y mettre jusqu'à la poitrine, et ordonna aux gens de la lapider. Khalid ibn al-Walid lança une pierre et le sang gicla sur le visage de Khalid qui l'insulta. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'entendit l'insulter et dit « Mahlan ya Khalid, fawalladhi nafsi biyadi, laqad taba tawbatan law tabaha sahibu max la ghufira lah. » Arrête Khalid. Par celui qui tient mon âme dans la main, elle s'est certes repentie d'un repentir qui, s'il avait été fait par la personne du péage, il lui aurait été pardonné. C'est-à-dire, la personne qui prend de l'argent des commerçants suivant leurs marchandises. Et ça montre que c'est quelque chose de grave, et c'est un péché. Et c'est pas permis, et c'est de l'argent illicite qu'il prend. Comme les douanes ou les péages. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna de prier sur elle et elle fut enterrée. Et dans Muslim également, d'après Imran ibn Hussein, qu'une femme de Juhayna fornica et que lorsque il la lapida, il pria sur elle. Et Omar lui dit, tu pries sur elle au prophète d'Allah alors qu'elle a forniqué? Il dit, laqad taba tawbatan law qusimat bayna 70 min ahli al-Madina la wasi'atuhum. وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى. Elle a certes fait un repenti que s'il était divisé entre 70 parmi les gens d'Al-Madina, ça leur suffirait. Et y a-t-il meilleur que le fait de donner son âme à Allah Azza wa Jal? سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.